rue de galère, mal lavé, les pieds nus. J'ai les idées pas très claires, je me traîne un peu perdu. Les gens, je les indiffère, je fais partie du menu. Qu'on ne trouve pas assez cher quand on pète plus haut que le cul. Mais ça n'a pas d'importance, je tends la main, c'est pour bouffer. Je me fous de l'intolérance, plus bas je pourrais pas aller. Ne riez pas de ma malchance, car ça va vous arriver. On vous vole sans violence tout l'argent que vous gagnez. On vous arrache des mains ce que les vieux ont conquis, en se saignant comme des chiens. Certains y laissant leur vie, on vous bouffe le foie des reins. Et vous restez là assis sur vos couilles en nuit de pain. Vous attendez le messie. Oh galère, la misère est ici. Les révolutionnaires se sont-ils endormis? Oh galère, la misère est ici. Les révolutionnaires délocalisent aussi. Et dans ma rue en galère, on m'oublie, j'intéresse plus. Je peux plus payer d'espace vert ou le trou de la sécu. Et ces gens que j'indiffère travaillent maintenant deux fois plus pour des mecs comme mon compère, pour attraper le malus. Travailler les grabataires afin que les caisses vieillissent puissent tranquillement se refaire. Le nombre de morts est en baisse, fait payer beaucoup plus cher tous les soins et que l'on cesse de rembourser ce qui vous sert à vous protéger les fesses. Il faut faire beaucoup plus d'heures de boulot pour vous crever. Les congés, vous êtes rêveurs si vous comptez les garder. On saura bien vous faire peur afin que vous défendiez votre boulot de malheur à peine rémunéré. Oh galère, la misère est ici. Les révolutionnaires se sont-ils endormis? Oh galère, la misère est ici. Les révolutionnaires délocalisent aussi. C'est un cauchemar qu'ils croient faire, ils pensent qu'ils vont se réveiller. Remettez les pieds sur terre, bienvenue chez les paumés. Vous vous êtes laissé faire, et c'est le prix à payer. Vous verrez, c'est pas si mal, plus d'impôts, de taxes foncières, d'augmentation du gasoil, d'assurance en surenchère, plus de surcoûts à l'hôpital, plus de radars, de taxes routières, plus d'épargne qu'on met à mal, avec des taux de misère, plus de bouffons d'augmentation, plus de taxes sur les télés, de médicaments bidons qui ne sont même plus remboursés, plus de comptes à rendre au patron, il peut délocaliser. Nous on n'a plus de pognon, on ne peut plus consommer. Oh galère, la misère est ici. Les révolutionnaires se sont-ils endormis? Oh galère, la misère est ici. Les révolutionnaires délocalisent aussi. Oh galère, je crois que c'est gagné. Il y a tellement de misère qu'on ne sait plus où regarder. Oh galère, ils y sont arrivés. Notre pays prospère, devient sous-développé. Notre pays prospère, devient sous-développé. Sous-développé.